franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Margaret, viens, je t'emmène à Saint-Brieuc, où en 848, le roi de Bretagne, Nominoé, effectua un remaniement des évêchés bretons après le départ des Normands. C'est à cette date que fut fondé l'évêché de Saint-Brieuc. Les reliques de Saint-Brieuc, qui avaient été mises en sûreté à l'époque de l'invasion des Normands, reviennent dans la ville en 1210. Oh voilà, là, ils n'étaient pas très pressés. Mais nous, nous sommes pressés d'offrir, grâce à la maison Tradichic, en prévision des beaux jours qui s'annoncent, une magnifique jupe culotte portefeuille en flanelle doublée satinette qui vient en trois couleurs estivales, marron clair, vert bouteille clair et noir clair, enfin gris. Et si notre auditrice est un homme, dans ce cas, bien sûr, il se verra offrir une ravissante culotte de peau à bretelles, offerte par la maison Autrichique, dans sa toute nouvelle gamme nostalgique. Bonjour Frédéric, ou Frédérique. Frédéric. Comment ? Frédéric. Ah, en plus, la culotte de peau, en plus, j'adore leur collection nostalgique. Bonjour Frédéric. Bonjour Margaret, bonjour Philippe. Docteur. D'abord, je vous adore. Je vous trouve sans sas. C'est super cette émission, vraiment. Merci Frédéric, merci. Ça nous va droit au cœur. Bah, tant mieux. Alors, anima sana ou corpore sano pour vous, Frédéric ? Faut que je réfléchisse. J'ai le droit à un indice ? Comment ça ? Bah, je veux pas me tromper. Je la veux, cette culotte de peau. En plus, il commence à faire beau. Anima, je sais pas, c'est dur, hein. C'est dur parce qu'il n'y a pas d'indice, c'est pile ou face, c'est une chance sur deux. Ah non, c'est pas un jeu, Frédéric, hein. On est là pour résoudre un ou plusieurs problèmes. Alors, vous nous appelez pour un problème de corps ou d'esprit ? D'accord, donc la culotte de peau, j'ai gagné de toute façon. Oui. D'accord, alors disons que c'est mon esprit, mais que c'est votre corps à vous. Oh, bah ça, c'est une première. Nous n'avons jamais eu ce cas de figure. Alors ? Voilà, je suis médium. Oh, pas de problème, monsieur. La collection nostalgique va du extra small au extra large. On va bien vous trouver un petit médium qui traîne. Non, je suis extra lucide. J'ai un cabinet de voyance et je consulte aussi sur Internet. J'ai un site, fred-voyance-et-voir-sa-vie-plus-loin-8.org.fr. Oh, bah, dis donc, c'est long. Alors, pourquoi 8 pour... Il n'y avait plus que ça. Ah. Oui, alors, Mr. Good Deal, Amazon, rue du commerce, hein, je suis obligé. Ouais, je sais, c'est pour le CSA, pour éviter la publicité clandestine. Il faut toujours nommer d'autres marques, c'est ça ? Voilà, ouais. C'est ça. Alors, qu'avez-vous vu qui pourrait nous concerner, cher Frédéric ? Oh non, alors non, moi je ne veux rien savoir. Après, on y pense tout le temps, ou alors que des petites anecdotes sans trop d'importance. Hein. Puis pas des trucs trop loin dans l'avenir, voilà. Non, c'est assez proche. Puis c'est des petites choses. Moi, je fonctionne par flash. Bon, bah, si c'est des petites choses, alors d'accord, allez-y. Et puis alors, on est bien d'accord que c'est une consultation gratuite. Hein. Bah, c'est gratuit, je ne vais pas vous demander votre numéro de carte bleue. Visa, Mastercard, American Express. Je vois le Vésinet. Oui, d'accord. Oh, bah, alors ça, tout le monde le sait maintenant qu'on habite au Vésinet. Hein, Oui, mais moi, je sais que vous habitez Villa Bleu Marine, ça, c'est écrit nulle part. Ah, c'est vrai. Un point pour vous, Frédéric. Moi, je vois Margaret allongée, très calme, à côté de vos enfants. Sur la plage ? Ah non, Villa Bleu Marine. D'accord, c'est mignon. Et après, j'ai eu d'autres flashs, et là, c'est Philippe que je vois. Ah, quand même. Alors, qu'est-ce que je fais de beau ? Ben, je vous vois écrire. Mes mémoires ? Parce que je suis en train de le faire, là, figurez-vous. Non, c'est du courrier, des longues lettres pour vos proches. Ah, et j'écris quoi ? Ben, je sais pas, je suis presbyte et vous écrivez trop petit. Des petites pattes de mouche. Oui, c'est vrai. Oh, ça, c'est typique des docteurs. Il n'y a que les pharmaciens qui arrivent à les déchiffrer. Après, c'est un peu flou, mais je vous vois faire des courses. Ah oui, ben ça, c'est sûr qu'avec toute la tribu, il faut y aller souvent. Non, je vois Philippe faisant des courses. Ah bon? Oui, dans un grand bâtiment, genre magasin de bricolage, type Monsieur Bricolage. Castorama, Leroy Merlin, Bricorama. Et je me promène ou j'achète quelque chose? Vous achetez du matériel, ça revient souvent, mais vous n'achetez pas toujours la même chose dans mes flashs. Parfois c'est une scie, d'autres fois du ciment, ou même des sacs de chaux. Oh. C'est un peu farfelu tout ça. Il n'y a pas une vraie histoire, quoi. Non. Mais je ne vous vois pas sur France Inter la saison prochaine. Je vous vois partir dans votre voiture, seul et loin. Et je vais où? Je ne sais pas. En tout cas, je vois un couple de Français qui vous aurait récemment repéré en Italie. Tiens donc, l'Italie. Alors, comme ça, monsieur part en Italie sans nous, c'est pas très gentil, dis-moi. Oh non, mais je ne vais pas semer de la zizanie entre vous, hein. C'est oui. Juste des flashs. Hein. Bon, alors, pendant que monsieur s'amuse au lac de Côme, moi, si je comprends bien, je fais la sieste avec les enfants. Super sympa. Oh, attendez, redites cette phrase. J'ai un flash. Bon, alors, pendant que monsieur s'amuse au lac de Côme, moi, si je comprends bien, je fais la sieste avec les enfants. Super sympa. Vous avez une terrasse, Villa Bleu Marine? Oui. Il y a quoi dessous? Oh, rien, il y a de la terre. Oui, tiens, d'ailleurs, Marga, fais-moi penser à couler une chape. Démouler un cake, faire la grosse commission, poser une pêche. Pardon? Ben, c'est pour le CSA. Non, d'abord, c'est que pour les marques, et puis je parlais de faire couler une chape en béton. Ah, autant pour moi. Ouais. Bon, alors, le flash sous la terrasse, Frédéric, c'est quoi? Non, mais c'est rien. Monsieur, allez-y. Bah, oui. Non, c'est rien. Au revoir. Ah non, mais attendez, c'est angoissant de rien dire. C'est pire que de dire ce que vous avez vu. Je crois pas, non. Il faut nous dire, Frédéric. Là, on ne saura jamais. Enfin bon, en même temps, c'est vrai que parfois, c'est mieux de ne pas savoir. Moi, par exemple, si j'ai un patient qui est condamné, je lui dis rien. Je lui dis que c'est bon, qu'il peut rentrer chez lui. Parce que alors, sinon, après, il est angoissé, il est tout triste, et puis il n'arrête pas d'appeler. Ou enfin là, il ne s'agit pas de vie ou de mort. Quand même. André Gide, hein, que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, a pourtant dit très justement, sa raison de commettre le crime, c'est précisément de le commettre sans raison. Ah, pourquoi tu dis ça? Eh bien, justement, c'est précisément sans raison. Bon. Merci Yann Chouquet pour cette mise en onde et au revoir. Au revoir. Au revoir Philippe. À votre écoute, coûte que coûte. À retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr.